France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here. Venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Une toute dernière idée de cadeau pour Noël ce matin avec l'un des meilleurs spécialistes en France de la comédie musicale américaine. Bonjour Patrick Niedot. Bonjour Laurent. Vous venez de faire paraître votre deuxième livre, Hello Broadway, une belle histoire de la comédie musicale à Broadway, des origines à nos jours. On vous connaît car vous donnez des conférences au Théâtre du Châtelet pour chaque comédie musicale qui avait été créée sous l'ère de Jean-Luc Chopelin. Et puis vous avez déjà fait paraître une magnifique somme, Histoire de comédie musicale, c'était aux éditions Ipanema. Alors ce matin, c'est votre cadeau de Noël pour les auditeurs de France Musique. C'est vous qui choisissez la programmation de la 42e rue, le petit quartier des amateurs de comédie musicale sur France Musique. Alors en gros, vous m'avez dit oui, franchement, ça serait pas mal de débuter avec le King of Musicals. Playgoers, I bid you welcome. The theater is a temple and we are here to worship the gods of comedy and tragedy. Tonight, I am pleased to announce a comedy. We shall employ every device we know in our desire to divert you. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings, nothing with crowns. Bring on the lovers, liars, and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something expensive, something offensive, something for everyone, a comedy tonight. Passions and potions, constant commotions, something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings, nothing with crowns. Bring on the lovers, liars, and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or polite. Tragedy tomorrow, comedy tonight. Something convulsive, something repulsive. Something for everyone, a comedy tonight. Something aesthetic, something balletic. Something for everyone, a comedy tonight. Nothing with gods, nothing with fate. Weighty affairs will just have to wait. Nothing that's formal, nothing that's normal. No recitations to recite. It all takes place on a street in Rome, around and about these three houses. First, the house of Herodias, a befuddled old man, abroad now in search of his children, stolen in infancy by pirates. Lycus, a buyer and seller of the flesh of beautiful women. That's for those of you who have absolutely no interest in pirates. House of Senex, who lives here with his wife and son. Also in this house lives Pseudolus, slave to the sun. Pseudolus is probably my favorite character in the piece, a role of enormous variety and nuance, and played by an actor of such... Well, let me put it this way. I play the part. Anything you ask for, comedy tonight. And now... The entire company! Something for everybody. Comedy tonight. Nothing that's grim. Nothing that's Greek. She plays Medea later this week. Stunning surprises, cunning disguises. Hundreds of actors out of sight. Pantaloons and tunics. Courtesans and eunuchs. Funerals and chases. Baritones and basses. Handlers, philanderers, cupidity, temerity, mistakes, fakes, rhymes, lies, tumblers, grumblers, fumblers, bumblers, no royal curse, no Trojan horse, and a happy ending, of course. Goodness and badness, man in his madness, this time it all turns out all right. Ready tomorrow. Taught to hate and fear, you've got to be taught from year to year. It's got to be drummed in your dear little ear. You've got to be carefully taught. You've got to be taught to be afraid of people whose eyes are oddly made and people whose skin is a different shade. You've got to be carefully taught. You've got to be taught before it's too late, before you are 6 or 7 or 8, to hate all the people your relatives hate. You've got to be carefully taught. You've got to be carefully taught. This is just the kind of ugliness I was running away from. It has followed me all this way, all these years. Now it has found me. I was cheated before, and I'm cheated again by a mean little world of mean little men. And the one chance for me is this life I know best, to be here on an island and to hell with the rest. I'll cling to this island like a tree or a stone. I'll cling to this island and be free. Alone. Steven Sondheim et Oscar Hammerstein pour débuter cette émission ce matin. C'est Patrick Niedo, spécialiste de la comédie musicale américaine et auteur de Hello Broadway, qui programme la 42e rue. Un instant, c'était Matthew Morrison, You've Got to Be Carefully Taught, chanson antiraciste dans South Pacific, comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, avec Matthew Morrison. Et puis pour débuter, l'ouverture de A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, une comédie musicale de Steven Sondheim en 1962, recréée en 1996 avec Nathan Lane. Pourquoi, pour débuter, forcément, Sondheim et Rodgers et Hammerstein? Mais d'abord parce que ce qu'on a entendu tout d'abord, c'était la, pour moi l'une des plus belles ouvertures qui existent. C'est une ouverture très enjouée, l'ouverture d'un spectacle. Vous savez, le premier numéro est un numéro très important. Dans la comédie musicale, si vous n'avez pas un premier numéro qui marque, on a un problème après. Et en fait, Steven Sondheim, quand il a écrit Funny Thing Happened on the Way to the Forum, il avait un problème avec cette comédie musicale qui ne fonctionnait pas en tournée, et avant que ça arrive à Broadway. Et c'est Jerome Robbins qui a eu l'idée de faire cette ouverture très enjouée, et Steven Sondheim l'a écrite en un week-end, et ça donne cette ouverture qui est parfaite pour ouvrir justement votre émission, parce que c'est enjoué, c'est magnifique. Et puis Oscar Hammerstein aussi au tout début de cette émission, parce que Oscar Hammerstein a été le mentor de Steven Sondheim. C'est lui qui a formé son esprit, qui lui a expliqué comment écrire une chanson, qu'est-ce qu'il fallait écrire dans une chanson, qu'est-ce qu'il fallait écrire dans une comédie musicale. Et en fait, les deux morceaux sont super bien choisis, parce qu'il y en a un qui dit beaucoup de choses, celui d'Oscar Hammerstein contre le racisme dit énormément de choses. You've got to be carefully You've taught. You've got to be carefully taught. Ça veut dire, on vous éduque soigneusement à détester, à avoir peur, à détester les gens que votre famille déteste, par exemple. Et c'est un plaidoyer contre le racisme qui a été écrit en 1949. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier que le mouvement des droits civiques américains, c'est les années 50, c'est pas du tout les années 40. Patrick Niedo, comment vous êtes tombé amoureux de la comédie musicale? C'est très simple, je suis allé voir mon premier spectacle à Broadway en 1981. C'était en août 81, je m'en souviens très bien, et ça s'appelait The Pirates of Penzance, qui n'est même pas une comédie musicale, c'est une opérette de Gilbert et Sullivan. Et je suis arrivé dans ce théâtre, je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais 18 ans, j'arrivais de ma banlieue, j'étais d'Arpajon, dans l'Essonne, j'arrive à New York, et on m'emmène voir cette merveilleuse pièce que j'ai trouvée extraordinaire. Mais qu'est-ce qui vous a impressionné ? Alors, tout était impressionnant à Broadway. Premièrement, le nombre de personnes sur scène, cette immense salle du Minkoff Theatre, évidemment. C'est des choses que je n'avais pas vécues en tant qu'adolescent ou en tant qu'enfant. Moi, j'étais juste allé au Palais des Sports voir Holiday on Ice. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui aime la comédie musicale depuis qu'il est tout petit. Je suis allé vraiment à Broadway sans connaître vraiment la comédie musicale. Et quand j'étais là-bas, évidemment, je suis allé voir The Pirates of Penzance, puis Dancing, puis le Christmas Show, et c'est ça qui a fait mon intérêt pour la comédie musicale. Alors replongeons ensemble, Patrick Niedo, en 1981. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Linda Ronstadt qui chante dans The Pirate of Penzance, Poor Wandering One, ou préférez-vous, là vous m'avez apporté le playbill de 1981, je vois qu'il était sur scène, vous l'avez vu, oui. George Rose qui interprète I'm the very model of the modern general. Linda Ronstadt. For shame, for shame. For shame, poor wandering one, though thou hast surely strayed, take heart of grace, thy steps retrace. Such poor love. summer, he might notice me passing by. And so I'll try to make it easier to find me in the stillness of July. Because a breeze might stir a rainbow behind me, that might happen to catch the gentleman's eye. And he might smile and take me by the hand this summer, making me recall how lovely love can be. Kate Baldwin, Ribbons Down My Back, un extrait de la comédie musicale Hello Dolly. Patrick Niedo, c'est vraiment pas la chanson la plus connue d'Hello Dolly que vous avez choisie là? Non, c'est pas la plus connue, mais cette chanson a un pouvoir mélodique extraordinaire. Et quand j'ai vu la version qui est actuellement à Broadway avec Bette Midler, j'ai été époustouflé par la performance de Kate Baldwin. J'ai trouvé qu'elle aurait mérité le Tony Award. Je me suis trompé là-dessus. Je pensais qu'elle l'aurait, mais elle ne l'a pas eu. Et cette chanson a un tel pouvoir mélodique. C'est là où on se rend compte à quel point Jerry Herman sait écrire des chansons. Jerry Herman, c'est le compositeur, sait écrire des chansons. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson, elle intervient... Parce qu'on connaît les chansons de Dolly, mais on ne connaît pas trop. C'est pour qui? C'est dans le premier acte. Et en fait, elle chante ça dans sa boutique. Et en fait, elle vend des chapeaux et évidemment, il y a des rubans sur les chapeaux. Et c'est tellement un beau moment dans la comédie musicale que c'en est très émouvant parce que ça repose du fait que depuis le début, on a du Bette Midler et du Bette Midler et du Bette Midler. Et là, on est dans une chanson qui est tellement bien chantée. On vient de l'entendre. C'est tellement beau la façon dont elle le chante que moi, j'ai été époustouflé à Broadway quand je l'ai vue. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Avec Patrick Niedo, qui programme 42e rue, j'ai lu que vous vous destiniez à la politique et vous avez fini par prendre des cours de danse à New York. Qu'est-ce que vous vous rappelez de vos cours de danse à New York? Ah, je me rappelle beaucoup de choses parce que d'abord je suis arrivé à New York et on m'a pratiquement mis dans une école de danse en fait. J'avais 18 ans, le matin j'étais au lycée, donc j'ai fait mon année de lycée, j'ai mon bac américain comme on dit. Et puis je suis allé l'après-midi en école de danse à Greenwich dans le Connecticut. Et c'est là où j'avais des professeurs qui venaient de Broadway pour nous donner des cours, c'était extraordinaire. Et en fait j'ai pas connu Broadway dans les cours tout de suite, je l'ai connu en 84-85, où je suis allé à Broadway et j'ai découvert mon professeur, celui qui m'a vraiment formé en jazz, qui s'appelait Frank Hatchett. Et puis, par la suite, une prof de danse classique qui s'appelle Madame Darvache, qui était une femme extraordinaire. Et j'ai refait toutes mes années d'études de danse, alors que c'est vrai que je me destinais tout à fait à autre chose. Mais il y a une façon de danser particulière à Broadway par rapport... Oui, il y a vraiment une façon de danser particulière à Broadway. On appelle ça le theater dance. C'est-à-dire, c'est pas du jazz, c'est pas du contemporain, c'est de la danse de théâtre, en fait. Donc, il y a vraiment une façon très spéciale de danser. Et on apprend les chorégraphies de Bob Fosse, de Jérôme Robbins et de tous les grands chorégraphes des années 50, 60, 70. Jérôme Robbins, justement, le voilà qui arrive à travers votre choix d'une chanson très douce, amère, d'un violon sur le toit. Il n'y a pas de danse dans ce numéro, ça s'appelle Sunrise Sunset. Pourquoi ce morceau ? Ben parce que Sunrise Sunset, ça me fait tout à fait penser à ce peuple juif qui a été persécuté par les tsars en Russie. Et cette comédie musicale est pour moi sans doute le plus beau livret qui existe. Et Sunrise Sunset, ça veut tout dire. C'est vraiment, on est un soir de Shabbat et c'est tout calme et c'est une merveilleuse chanson. Is this the little girl I carried? Is this the little boy at play? I don't remember growing older. When did they? When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small? Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly. You come to Paris, you come to play. You have a wonderful time, you go away. And from then on you speak of Paris knowingly. You may know Paris, you don't know Paris. Though you've been around a lot and danced a lot and laughed a lot. You don't know Paris. You may say you've seen a lot and heard a lot and learned a lot. You don't know Paris. Paris will still be laughing after every one of us disappears. But never once forget her laughter is the laughter that hides her tears. And until you lived a lot and loved a lot and lost a lot, you don't know Paris. You don't know. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the summer when it seasons. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is here. Patrick Niedo, auteur de Hello Broadway, programme ce matin la 42e rue de France Musique. Tout à l'heure, c'était Danny Burstein dans Un violon sur le toit. Et puis à l'instant, Patrick Niedo, je ne pouvais pas ne pas rediffuser ce moment vraiment si émouvant, si particulier, je dois dire, sur la 42e rue de France Musique, parce que c'était un concert sans public. Ici même, à Radio France, quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015, et cette chanson par cette grande dame à qui vous avez offert son premier One Woman Show à Paris. Elle était accompagnée par Mathieu Serradel, Liliane Montevecchi. Patrick Niedo, vous produisez des spectacles, vous avez été l'assistant d'Eli Kaku. C'était important d'offrir à Liliane Montevecchi. Déjà, merci. Merci beaucoup, Laurent, de passer cet extrait. Je ne m'y attendais pas du tout, donc c'est une belle surprise. Ça m'émeut énormément parce que Liliane Montevecchi est une femme que j'aime beaucoup. C'est comme une maman, c'est quelqu'un qui est très, très important dans ma vie. Et quand on a décidé de faire son spectacle à Paris, je lui avais dit, Liliane, attention, on va énormément travailler parce que son spectacle, elle ne le connaissait qu'en anglais, alors qu'elle est française. Donc on a... C'est un one-man show qu'elle fait partout, sauf à Paris. C'est un one-man show qu'elle fait partout, qu'elle a fait partout, partout dans le monde, sauf à Paris. Elle qui a tourné dans les grands films de la Metro Goldwyn Mayer. Absolument, voilà, qui a été meneuse aux Folies Bergères, et qui a fait plein de choses, mais elle n'avait jamais fait son one-woman show à Paris. Et chez Sardis, on s'est serré la main. À Broadway. C'est le café très chic de Broadway. Oui, faut que je dise Sardis, absolument. C'est le café chic de Broadway, le restaurant chic de Broadway. On s'est serré la main, on s'est dit, on le fait à Paris. Et en fait, j'ai tenu parole, on a fait son spectacle à Paris, et c'était un souvenir extraordinaire. Malheureusement, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu les attentats, et ça a un peu endeuillé notre spectacle, malheureusement. Mais ça reste un magnifique souvenir. Patrick Niedo, vous n'êtes pas venu les mains vides, parce que vous nous apportez aussi des nouveautés. Et par exemple, un des spectacles dont on parle vraiment beaucoup à Broadway actuellement, ça s'intitule La visite de la fanfare, enfin en anglais The Band's Visit, c'est l'adaptation en comédie musicale du film qui raconte l'histoire d'une petite fanfare de police égyptienne qui au départ doit aller dans un centre culturel arabe et qui se retrouve perdue au fin fond du désert israélien. Ça ressemble à quoi et pourquoi vous avez voulu nous offrir un des morceaux de The Band's Visit ? J'ai voulu ce morceau parce que, premièrement, je trouve que le message est très important. Ce message qui dit que finalement, des gens juifs peuvent tout à fait accueillir des musulmans dans leur maison pour une soirée et passer une très très belle soirée avec eux, je trouve ça merveilleux. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis désolé, mais moi j'ai envie de ce genre de choses. J'ai envie qu'on me raconte des belles histoires. Et en fait, cette belle histoire qui est racontée sur scène dans une comédie musicale en un seul acte est quelque chose, c'est une petite merveille, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien raconté qu'il fallait quand même qu'on en parle. Alors présentez-nous, puisque personne ne l'a vu ici, cette comédie musicale, ce moment où une héroïne interprète une chanson qui s'appelle donc Omar Sharif. Ça s'appelle Omar Sharif, et justement, elle-même est juive, et elle dit qu'elle aime... Elle dit à son interlocuteur qui est musulman, elle lui dit « Moi, vous savez, j'aime Omar Sharif et j'aime Oum Kalsoum. » Et c'est ça, les cultures qui se mélangent pour moi. On peut très bien être juif et aimer Oum Kalsoum et Omar Sharif. C'est ça qui est très fort. Et dans cette comédie musicale, beaucoup des comédiens jouent d'un instrument de musique. Et ça, c'est merveilleux sur scène à voir. I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. What a day this has been, what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel, that bell starts to peal, I could swear I was falling. I would swear I was falling. It's almost like being in love. When we walked up the bridge, not a word did we say. It was almost like being in love. But your own almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling. It's almost like being in love. Marion Bell, David Brooks, un extrait de Brigadoon, cette féerie dansée. Vous connaissez le film forcément avec Gene Kelly dans le rôle principal. C'était Almost Like Being in Love, une comédie musicale par les auteurs de My Fair Lady. La romance entre un New-Yorkais puis la jeune femme qui vit dans un village qui ne prend vie qu'une fois tous les 100 ans. Pourquoi vous avez choisi ce morceau, Patrick Nieto ? Alors j'ai choisi ce morceau tout simplement parce que j'étais à New York au mois de novembre pour voir la version du City Center de Brigadoon. C'est la première fois que je voyais Brigadoon sur scène. Je connais bien entendu l'œuvre par l'enregistrement. Et c'était la première fois que je le voyais sur scène et j'ai redécouvert ces grandes mélodies de l'âge d'or de Broadway. Brigadoon, c'est 1947, c'est la grande époque de Rodgers et Hammerstein, et Lerner and Lowe, qui sont donc les concurrents de Rodgers et Hammerstein, sortent ce Brigadoon qui fait un carton, et c'était bien avant My Fair Lady en 56, bien entendu, mais c'est leur premier grand succès. Et quand on redécouvre ça avec des comédiens aussi extraordinaires que Patrick Wilson et Kelly O'Hara, on se dit qu'on a bien de la chance de voir ce genre de choses. Et il n'y avait que 6 représentations, donc j'y suis allé exprès parce que je me dis, il faut que je le voie. Et c'était merveilleux. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et c'est Noël, avec un jour d'avance sur la 42e rue de France Musique. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot clé 42 rue et sur la page, évidemment, Facebook de 42e rue. Ce matin, c'est Patrick Nieto, auteur de Hello Broadway, qui programme notre émission et qui nous fait découvrir, alors là, voilà, la toute dernière comédie musicale de Richard Rodgers, le compositeur de la Mélodie du Bonheur. Et alors celle-ci, elle s'appelle I Remember Mama. Alors un joli flop, je crois qu'il a tenu 3 mois à l'affiche en 1979. Oui, c'est ça, juste avant la mort de Richard Rodgers. En fait, il est mort quelques mois plus tard. Et malheureusement, cette comédie musicale n'a pas eu de succès, alors que c'est encore les belles mélodies de Richard Rodgers. Il faut savoir que Richard Rodgers a écrit 40 comédies musicales quand même. Et c'est sa 40e. Donc, il a fallu plus de 300 investisseurs pour pouvoir monter le spectacle. Personne ne croyait en ce spectacle. Finalement, ça s'est monté, ça a été un flop. Et on n'a même pas enregistré d'album, on a enregistré l'album plus tard en fait. Ah d'accord. Ce n'est même pas l'album original qui n'existe pas avec Liv Ullmann, l'album n'existe pas. Alors ça raconte quoi ? Parce que donc il ne travaillait plus avec Oscar Hammerstein. Non, parce qu'Oscar Hammerstein est mort en 60. Il ne travaillait plus avec Lawrence Hart avec qui il travaillait avant. Alors qui a écrit et puis ça parle de quoi cette histoire ? Alors ça parle en fait, on a appelé ça la Mélodie du Bonheur au pays des Norvégiens en fait. C'est une famille de Norvégiens qui habite San Francisco et cette famille de Norvégiens en fait, à une fille qui écrit des romans et elle raconte la vie de sa famille, son père au chômage qui retourne en Norvège et qui essaye de faire retourner sa famille en Norvège. Finalement, il reviendra aux États-Unis. C'est une très jolie histoire, mais malheureusement, ça a eu un très mauvais succès. On peut le dire, c'est un flop total de Richard Rodgers. On écoute la chanson des parents, You Could Not Please Me More, George Hearn et Sally Ann Howes. Lars, forgive me. Always I think first of the children and never of you. Forgive you for what? You could not please me more. I can't imagine how could you please me more than you do right now. 20 years ago I could think only of you, being a good wife to you. Now the children, oh, I spend so much time. Mata. They're sick and I must nurse them. Catherine's school dresses must be lengthened. Dagmar's hair has to be braided. Niels... Marta? Niels has a button missing from his coat. Christine wants... Could I be more a wife? Could I be more a friend? Or make a better life that we spend. Marta, you could not please me more. I can't imagine how could you please me more than you do right now. Could you be more a wife? Could you be more a friend? Or make a better life than this life that we spend? I look at you and bless all that has gone before. I'll never love you less. You could not please me. Pour être aimé, il faut gagner ou bien s'attendre au pire. Un peu d'amour et de tendresse, voilà mon seul désir. Si je pouvais saisir ma chance, elle est là. Patrick Niedo, je vous laisse désannoncer ce que vous avez programmé ce matin sur la 42e rue. Ah, c'était Cabaret, chanté merveilleusement bien par Claire Perrault. Et j'ai voulu vraiment réécouter ça parce que à l'époque où Stage est arrivé en France, ils sont arrivés, Stage Entertainment, donc le théâtre Mogador, qui a racheté Mogador, exactement. Quand ils sont arrivés avec ce spectacle, ils sont arrivés avec vraiment, vraiment une qualité de travail. Et cette qualité de cabaret, c'était extraordinaire. Il y avait des comédiens dans ce spectacle merveilleux. Fabien Richard, il y avait Claire Perrault, bien entendu, Catherine Arditi, qui a eu un Molière l'année dernière. Enfin, des comédiens, Delphine Gransard, qui fait un spectacle qui s'appelle La Goulue en ce moment, formidable. C'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vu en France, de cette qualité en tous les cas. Et j'ai voulu réécouter ça pour leur rendre hommage et rendre hommage à Stage pour le travail qu'ils font. Peut-être bien, Claire Perrault, comment vous trouvez, Patrick Niedo, vous qui suivez ça de très près, que la comédie musicale se porte aujourd'hui en France, hein? Parce que tout le monde dit oui, oh là là, quel succès c'est. C'est formidable, il y a de plus en plus de comédies musicales. Oui, elles se portent plus ou moins bien. Il y en a de plus en plus, mais pas forcément de la qualité. C'est ça le problème. Le problème aussi, c'est que quand on ne met pas de musicien dans une comédie musicale, ce n'est pas bien. Il faut véritablement qu'une comédie musicale... Ça ressemble à Holiday on Ice, comme quand vous aviez 18 ans. Ice, exactement. Avant mes 18 ans, quand j'allais voir ça avec mes parents, j'avais 10-12 ans. Mais ce n'est pas normal de faire de la comédie musicale sans musicien. Il y a, dans comédie musicale, il y a musical. Donc musique, donc musicien forcément. Et donc le travail de Stage, le travail d'autres, évidemment, il n'y a pas que Stage Entertainment qui met des musiciens. Même si c'est trois musiciens, c'est autre chose qu'une bande-son. Patrick Niedo, un coup de cœur maintenant, un spectacle moderne, vous m'avez dit. Alors moi, je l'ai vu off-Broadway avant tout le monde et je savais que ça allait marcher. Alors parlez-nous de cette comédie musicale Dear Evan Hansen qui, effectivement, cette année a triomphé au Tony Awards. Alors d'accord, vous l'avez vu off-Broadway et pourquoi vous étiez sûr que ça allait... Je ne l'ai même pas vu off-Broadway, je l'ai vu carrément en try-out, en première mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les try-out, c'est une tournée d'essai qui a lieu avant l'arrivée à Broadway, ça s'appelle un try-out ou une première mondiale, si vous préférez. D'accord. Et la première mondiale était à Washington. Et je suis allé à Washington avec ma petite sœur qui habite Washington pour aller voir ce spectacle. Et dès le début du spectacle, on est embarqué dans cette histoire parce que c'est une histoire moderne avec des réseaux sociaux, avec le fait que le gamin qui s'appelle Evan Hansen est quelqu'un qui est légèrement autiste et qui a du mal à s'en sortir dans la vie. Il lui arrive des aventures, une aventure que je vais pas raconter parce qu'il ne faut pas dévoiler ce spectacle. C'est vraiment une merveille d'écriture. Mais pourquoi vous vous êtes dit que ça allait forcément aller loin? Ah, parce que en voyant le public entier pleurer, ouais, pendant la comédie musicale, pleurer. À la pleurer. Ah. Je voyais des gens avec leurs mouchoirs tout autour de moi, y compris moi d'ailleurs. Non, ils ne meurent pas, mais c'est très émouvant. D'accord. C'est quelque chose de très émouvant. Et en fait, c'est, Broadway a besoin de ça. Broadway a besoin de paillettes, mais a aussi besoin de beaucoup d'émotions. Alors, la chanson s'intitule « Forever ». Il y a un mort, il y a une mort qui s'est déroulée au lycée. Ce lycéen, Dear Evan Hansen, qui est donc quasiment autiste, invente qu'il était le meilleur ami de celui qui est mort. End of May or early June, this picture perfect afternoon we share. Drive the winding country road, grab a scoop at a la mode, and then we're there. An open field that's framed with trees, we pick a spot and shoot the breeze like buddies do. Quoting songs by our favorite bands, telling jokes no one understands except us two. And we talk and take in the view. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever. Feels like we could go on for forever this way. Two friends on a perfect day. We walk a while and talk about the things we'll do when we get out of school. Bike the Appalachian Trail, or write a book, or learn to sail. Wouldn't that be cool? There's nothing that we can't discuss, like girls we wish would notice us but never do. He looks around and says to me, there's nowhere else I'd rather be. And I say, me too. And we talk and take in the view. We just talk and take in the view. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever. Feels like we could go on for forever this way. Friends on a perfect day. And there he goes, racing toward the tallest tree. From far across a yellow field, I hear him calling, follow me. There we go, wondering how the world might look from up so high. One foot after the other, one branch then to another. I climb higher and higher, I climb till the entire sun shines on my face. And I suddenly feel the branch give way. I'm on the ground. My arm goes numb. I look around and I see him come to get me. He's come to get me. And everything's okay. All we see is sky for forever. We let the world pass by for forever. Buddy, you and I for forever this way. friends, true friends on a perfect Il s'appelle Ben Platt, il a reçu le Tony Award du meilleur acteur cette année à Broadway. Et c'était un extrait de Dear Evan Hansen, la comédie musicale. Merci Patrick Niedot. Merci à vous Laurent. Alors, on recommande votre ouvrage, Hello Broadway, aux éditions Ipanema, un tour d'horizon érudit de l'histoire de Broadway, des origines à nos jours. Juste une question là, si on veut s'offrir ou offrir un CD de comédie musicale pour Noël? Eh bien c'est celui qu'on vient d'entendre, Dear Evan Hansen. Merci. Sur la page de 42e rue, sur francemusique.fr, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission. Vous trouverez aussi sur notre page les vidéos de notre dernier cabaret 42e rue la semaine dernière avec Dan Burton, le Spirit of Chicago Orchestra et la troupe de Wonderful Tone. Vous pouvez aussi revoir le concert de Noël à Broadway avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France d'avant-hier. Et puis vous trouverez la date de notre prochain cabaret 42e rue. Ça sera le 13 janvier. Samedi 13 janvier, nous recevrons l'orchestre au complet et les artistes de la nouvelle production belge des Parapluies de Cherbourg. Comme toujours, réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée, présentée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec ce matin à la technique Jean-Michel Coqui et à la réalisation Perrine Mingui. À réécouter sur francemusique.fr.